Hier, j'étais au magasin. Il y avait une collecte pour les Restos du Cœur. Alors forcément, hein, j'ai acheté du pain, du poisson et du steak haché pour leur donner. Ah, je suis content, c'est ma bonne action de l'année. Ouais, parce que c'est vrai, hein, les Restos du Cœur, c'est important de leur donner. Ça fait 30 ans qu'ils existent et c'est pas normal. Heureusement, il y a plein de chanteurs qui les aident. Moi, j'adore les regarder à la télé. Vous vous rendez compte? Plein de stars qui donnent de leur temps et en plus, c'est diffusé sur TF1. Alors qu'on vienne pas nous dire après que TF1, ils pensent qu'au fric, hein. Les enfoirés, au début, je comprenais pas pourquoi elles s'appelaient comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas gentil comme nom. Mais bon, du moment qu'ils rapportent de l'argent pour les pauvres, c'est l'essentiel. Mais hier, j'ai compris pourquoi ils s'appelaient les enfoirés. Parce que, comme j'ai donné au magasin, les bénévoles, ils m'ont donné un tract avec un flashcode que j'ai flashcodé et comme ça, j'ai vu leur nouveau clip. Alors, leur nouveau clip, c'est une vraie chanson d'enfoiré qui dit que les jeunes sont tous des feignasses, complètement cons et qui savent pas se sortir les doigts du cul, alors que les vieux, même s'ils ont pollué la terre et tout le bordel, ben eux, c'est pas de leur faute si les jeunes ont pour seul avenir de faire la queue au Resto du Cœur. C'est vrai que c'est des enfoirés, hein. Mais bon, c'est vrai aussi que si on veut que la boîte elle marche, il faut qu'il y ait des clients.